Eh bien, bonjour tout le monde, ici Lalonde des ondes, Marc Lalonde au micro, toujours un plaisir d'être là, comme d'habitude, à vous offrir quoi d'autre que de l'excellente musique franco-canadienne. Cette semaine, on va entendre du Lenny Galant, du Daniel Légère, du Amélie Galant également. On va entendre aussi l'album de la semaine « Nous » de Kyris. On aura droit à un petit spécial deux saisons. J'ai du Julie Kim, du Rachel Barber, du Michel Taillefer, Louis Trudel en instrumental. Et côté de l'Ouest, Suzanne Kennelly. J'ai également du Robert Walsh, Jocelyne Baribeau et bien d'autres. Donc restez là, je vous reviens bien sûr dans quelques secondes pour une autre belle édition de Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne. Et on va débuter ça, bien sûr, avec le bloc des Maritimes. Donc, je vous reviens dans quelques secondes. Bien le bonjour, bienvenue à Canrock, l'autoroute de la francophonie musicale canadienne avec Lalonde des ondes. Et comme à l'habitude, permettez-moi de remercier des gens très très spéciaux qui me permettent comme ça de vous offrir un 2 heures de musique franco-canadienne. Merci à Vanessa Lisabelle de l'Arc du Canada. Merci beaucoup aux directeurs, directrices de programmation des stations suivantes. CKJM Chética, WFM 98 Halifax, CFAB Sainte-Marie en Nouvelle-Écosse. CKMA Miramichi Nouveau-Brunswick, CHUO, la radio de l'Université d'Ottawa, et CFRH, la radio francophone du comté de Simcoe de la région de Barrie en Ontario. Il y a Envol 91 à Saint-Boniface au Manitoba, CFRG Gravelbourg Saskatchewan, CILS Victoria Colombie-Britannique et CIVR Yellowknife Territoire du Nord-Ouest. Merci beaucoup de diffuser l'émission, commentaires, suggestions ou même contacts d'artistes francophones qui ont d'excellents produits en français ou instrumental. Ça tourne chez vous, ça tourne nulle part ailleurs, même pas à Canrock. Laissez-moi leurs coordonnées à Canrock, cdnacommercial@gmail.com. Allons-y avec le bloc des Maritimes, si vous voulez bien. Et je commence ça, premièrement, en vous invitant à aller faire un tour sur ma page Facebook de Canrock, CAN-ROCK. Vous allez y trouver des vidéos, des photos, d'informations sur la francophonie canadienne, la francophonie musicale canadienne. Et cette semaine, j'ai partagé un lien. C'est que Lenny Galant a été invité à Charlottetown pour rencontrer la nouvelle gouverneure générale, Julie Payette. Et surprise, arrivé là, on lui a présenté, Julie Payette lui a présenté un disque autographié Julie Payette, un disque de When We Get There, le disque qu'elle avait amené dans l'espace à la station spatiale. Donc, on écoute une pièce de cet album-là. Voici Plage. Le sable dans mes cheveux est sur ton ventre. Pitié, soleil sur une peau si blanche. Perdu dans les dunes, le temps peut s'arrêter. Les grains suspendus dans le sablier. Nourris-moi de ton banc de moule. La brise de mer, ta chair de poule. Scoop-toi de sable sur le bord de l'eau. La sirène tente le matelot. Ça va s'aller. La base des vagues nous invite à danser. À bout de souffle remonter au ciel. Les eaux se fendent, nos corps se mêlent. J'ai plongé dans la mer de tes yeux pour ces images. J'avais besoin de cette journée avec toi sur la plage. Ferme tes yeux contre le soleil, tombe dans les bras de Morphée. Dans mon rêve, un poisson d'or, l'oiseau de poids prend son essor. Trésor porté sur la marée, à nous de les interpréter. Une bouteille sans message, un morceau de bois d'un vieux naufrage. Le vent se retire, le soleil se couche, un doux baiser, des mots qui me touchent. Une vieille guitare, une nouvelle chanson, une nouvelle lune, une vieille question. J'ai plongé dans la mer de tes yeux pour ces images. J'avais besoin de cette journée avec toi sur la plage. J'ai plongé dans la mer de tes yeux pour ces images. J'avais besoin de cette journée avec toi sur la plage. J'ai plongé dans la mer de tes yeux pour ces images. J'avais besoin de cette journée avec toi sur la plage. La journée, y a du travail ici pour toi. Si t'es pas trop pressé de partir, une pluie toute fraîche à nettoyer, de tout petits cœurs à réchauffer, des gens sa plage à colorer. Brun foncé ou rouge brûlé. J'organise un pique-nique party. J'ai invité tous les amis, leur disant que tu y serais aussi. Quelle belle version super entraînante d'un classique de Jim et Bertrand. Ça s'appelle Welcome Soleil. C'est aussi la pièce titre de l'album de reprise de Madame Annie Blanchard, super bel album, bien enregistré, un son solide, du bon country rock qui nous captive et qui nous fait danser. Donc, Welcome Soleil, disponible sûrement à Distribution Plage, www.plage avec un S.net. Même chose pour l'album de Lenny Galant, When We Get There. On va poursuivre avec de nouveautés, si vous voulez bien, parce que je suis toujours à l'affût de nouveautés qui sortent ces temps-ci. Il y a Daniel Légère, bon, je ne sais pas s'il y a un nouvel album qui s'en vient très, très, très bientôt, mais cette semaine, on a pu recevoir une pièce qui s'appelle « Bûche, bûche », un Daniel Légère un peu plus rock, un peu plus pop-rock, malgré qu'il y a toujours cette couleur country de Daniel Légère. Daniel Légère, là, qui est un auteur, compositeur, interprète de la région de Memrancook, je me souviens bien. Donc, on va suivre ça. On va mettre un homme là-dessus à savoir s'il y a un nouvel album qui s'en vient pour lui. Il y a aussi Marty Peely Roots qui avait sorti L'amour d'un oiseau là, peut-être 3-4 mois de ça. Il nous arrive pour l'été avec une pièce qui est vraiment estivale et pas à peu près. Ça s'appelle tout simplement Poolside sur Marty. Et vous allez voir, c'est très accrocheur, très entraînant. Et c'est un verre d'oreille qui vous reste dans la tête longtemps. Coup, vous l'avez entendu, donc désolé pour ça. Mais vous allez voir, c'est une très très belle pièce. Poolside chez Marty. Et puis, on va vous jouer aussi une pièce de Amélie Galant de Café Accro de la Chanson cette année. La pièce Anyways, ça s'en vient également. Mais là, on y va avec Daniel Légère. Voici sa nouveauté qui s'appelle tout simplement Bûche, bûche. Bûche, mon gars, on n'est pas sorti du bois. Bûche, bûche, bûche, mon gars, on n'est pas sorti du bois. Une corde par-ci, une corde par-là, on se fie plus le bout des doigts. C'est top de travailler comme ça, mais faut arriver toutes les fins de mois. So bûche, bûche, bûche, mon gars, on n'est pas sorti du bois. Bûche, bûche, bûche, mon gars, on n'est pas sorti du bois. Faut-il mourir au bout de mon sang? Faut que je donne une bonne impression. Et on n'a jamais assez de l'amour d'étargent. So bûche, bûche, bûche, mon gars, on n'est pas sorti du bois. Bûche, bûche, bûche, mon gars, on n'est pas sorti du bois. Chasser, tu deviendras un homme libéré. Et y'a tout le temps du bois à bûcher. Ça pousse une fois que tu l'as coupé. So bûche, bûche, bûche, mon gars, on n'est pas sorti du bois. Bûche, bûche, bûche, mon gars, on n'est pas sorti du bois. Bûche, bûche, bûche, mon gars, on n'est pas sorti du bois. Bûche, bûche, bûche, mon gars, on n'est pas sorti du bois. Pareille belle journée d'été, pis la poule est réchauffée, la table est toute grillée, Le homard est bien salé, le patio est shiny. Et la gang est arrivée, on commence tout à se primer, parce que le party va commencer. C'est même qu'on passe nos journées. C'est en Acadie, gang de chums, pour rien que des hommes. C'est le party garanti, poolside to Marty. Le soleil est gant se coucher, pis les drinks sont bien mixés. La bière est d'un beau gelé, pis le monde est bien buzzé. Les guitares sont tournées, pis le jam est commencé. Oh, le monde sort à danser, ah, la musique est bien cranky. C'est même qu'on passe nos soirées. C'est en Acadie. Gang de chums, oh rien que des bonnes. C'est le party garanti, poolside to Marty. Poolside to Marty. C'est en Acadie. Une gang de chums, pour rien que des hommes. Une gang de chums, pour rien que des bonnes. C'est le party garanti, poolside to Marty. Poolside to Marty. Poolside to Marty. Poolside to Marty. Thank you. cauchemar, tu rencontres l'amour de ta vie, puis celui-ci tu vas te sourire. Anyway, hey. Un nom à surveiller, Amélie Galland, qui cette année est la grande gagnante catégorie solo pour Accro de la chanson avec Anyways. Très très belle chanson de Amélie Galland. Et puis souvent, s'ils réussissent à bien performer lors d'Accro de la chanson, on les retrouve au gala de la chanson de Caraquette, on les retrouve à Granby, on les retrouve à Petite Vallée. Bref. Surveillez ça, Amélie Galland, très très bonne pièce qu'on vient d'entendre. Anyways, c'est le titre de la pièce. Là, je sais pas si vous êtes nostalgique, moi un peu beaucoup, en tout cas, tout ça pour dire que cette année à Caraquette, au Festival acadien de Caraquette, les 3, 4 et 5 août, eh bien, on vous convie aux retrouvailles de la formation Ode à l'Acadie. Ils étaient là... Ode à l'Acadie, ça s'est créé, c'est en 2004, pour le 400e anniversaire de l'Acadie, hein, bien sûr. Ils ont créé le spectacle Ode à l'Acadie, et puis en 2017, ils étaient là pour le 150e du Canada, et cette année, on les retrouve encore une autre fois au Carrefour de la mer, 3, 4 et 5 août. Si vous avez la chance d'aller voir ça, allez-y, c'est un super bon spectacle. Donc, toute la gang va être là, ça va être merveilleux. Aujourd'hui, hein, il y a les membres aujourd'hui de Ode à l'Acadie font carrière solo un peu partout. Et il y a Monique Poirier qui a retrouvé deux des muses, c'est-à-dire Isabelle Bugeaud et aussi Nadine Hébert, pour former le groupe, le trio 3L. Et ils ont sorti un album magnifique, voilà, peut-être une semaine et demie, deux semaines de ça. Ça a super bien été du côté de Moncton. Et puis, c'est un album intéressant, bilingue, avec des chansons en anglais, des chansons en français, mais toujours de qualité. Hein, avec Monique Poirier, on ne peut pas se tromper. C'est vraiment très, très bien fait. Je vais vous envoyer une petite pièce qui tourne beaucoup en ce moment. Ça s'appelle « La bière au ciel ». Vous allez reconnaître la chanson, ça c'est certain. Mais il y a aussi, je pense, une ou deux compositions originales sur cet album-là. Sûrement disponible via www.plage.net, distribution plage. Un bon endroit pour retrouver du produit acadien. Donc, on va y aller, si vous voulez bien, avec 3L, Monique Poirier, Isabelle Bugeaud, Nadine Hébert, et une petite chanson qu'on va toutes refredonner. Voici « De la bière au ciel ». Rencontrer. Il faisait beau, il faisait chaud, il faisait tout ce que tu voulais. Il faisait dur, mais tu l'aimais. En toute franchise, je pouvais pas t'en promettre plus. J'espérais qu'une aventure fasse l'affaire. Quand je t'ai parlé une première fois, je te disais tout ce qui semblait être efficace. Tous les clichés y ont goûté, chacun leur tour enfin. Je me suis retrouvée seule avec ma bière. Oh non, j'espère qu'ils vendent la bière au ciel. J'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. Tep tep pied dou yed dou, tep tep pied dou yed dou, tep tep pied dou yed dou. Oh, tep tep pied dou yed dou, tep tep pied dou yed dou, tep tep pied dou yed dou. C'était clair que mon fusil changeait d'épaule. J'étais calme, j'étais douce, j'étais bonne, j'étais fine, j'étais quand même sobre, ce qui est quand même rare. Malheureusement, j'étais tout aussi invisible. Quand je t'ai parlé une deuxième fois, j'avais décidé de faire une femme de moi. Je t'ai dit que tu me tentais, je t'ai dit que je te désirais. Encore une fois, j'étais seule avec ma bière. Oh non! J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. J'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. Tup tup tup tup tup tup. Et nous voilà. Toi t'as le goût, moi j'ai le hockey. Tu me fais de l'œil, puis moi je fais dur. J'aurais jamais dû caler ma dernière bière. Oh, oh non. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. J'ai tellement pris goût ici-bas. J'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. Let's go. J'espère qu'ils vendent la bière au ciel. J'ai tellement pris goût ici-bas. Oh, j'espère qu'il y a un dépanneur ouvert 24 heures. J'espère qu'ils vendent la bière. J'espère qu'ils vendent la bière. J'espère qu'ils vendent la bière. Une, deux, trois, quatre.